a deep one for the end zone. Palin is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! He did it! He did it! But here's a shot! Henderson made a wild snap, weren't felt. Here's another shot, right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the Bailey is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The Bears have won. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à l'inconduite de partie. Salut Giroux, à côté de moi, comment ça va? Ça va très bien, un petit peu enrhumé, mais ça va. Ah ben écoute, c'est normal, hein. Fait fret un peu le matin, hein. Ouais. Rentre dans les oreilles, tu sais quand tu t'as sorti dehors, toi, tu, ben, moi je dois tout, tu marches pour te rendre ouais. à l'école, ouais. Là. Ouais. Tu parles de moins loin que moi par ouais, contre, un petit là. Peu moins loin. Tu sais, t'as pris ta douche, mettons, t'es encore un petit peu mouillé, ça te pogne dans les oreilles, ça gèle, là. Pénible, ça, c'est pénible. Hein? C'est pénible. Pas facile, pas facile. Un froid directement venu de l'Arctique. Ben, l'Arctique, ouais. Ah ouais, pour de vrai? Ou ouais. Tu, hein, non, je dis ça de même. Ouais, ok, tu t'en as aucune bâtard. Non, je m'appelle pas Colette de Météo-Média, malheureusement. Cette semaine, à l'émission, on vous parle de plein de choses. On va parler des Pats, on va parler hockey junior. On va parler de on va toucher à la série Québec-Montréal. Ouais, ouais, ouais, ouais. On va voir ce qu'on c'est a c'est du gros sport. Bah, c'est du hockey. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça, c'est du hockey. On va surtout toucher à la deuxième partie d'émission, football, le Super Bowl. JP Grenier va être là, va nous faire ses prédictions pour le Super Bowl. On va avoir, on va aussi parler chronique culinaire, puis à Luc... Quoi manger pendant le Super Bowl? Pour la première fois à l'inconduit de partie, on parle de bouffe. On innove, on innove. normalement, les seules fois qu'on a parlé de bouffe, c'est qu'on disait que ta joueur avait dit un autre mange de la... Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. Donc, cette semaine à l'émission, ça va être... On a un beau petit programme pour vous, là. Vous allez aimer ça. C'est pas aussi bon que du gel de la tulipe, mais ça a bien de la lumière. Allons-y tout de suite avec les Patriotes. Ils étaient en action... 2-3 fois la semaine dernière contre Concordia, Ottawa, Carlton. Sauf pour Carlton, on s'entend que c'est pas une grosse semaine trop difficile. Ottawa, dernier classement, Concordia commence à se ressaisir un peu, commence à remonter, mais ils ont eu un début de saison où est-ce que il était genre 1-10, là, donc c'était pas fameux, fameux. Allons-y, la première partie c'était contre Concordia, c'était mercredi dernier. C'était supposé d'être... selon ce que j'ai comme note, c'était supposé d'être au Colisée Mongrain. La partie a commencé avec 37 minutes de retard. Il y a eu un problème avec les bandes. Il y a une bande qui a pété ou quelque chose comme ça. Ils ont été obligés de s'en aller à l'autre arena à côté. Au Colisée. Donc, au Colisée. Petit déplacement. Ouais, petit déplacement là. Il faut que tu marches. Mais tu sais, les fans. Les joueurs étaient-ils tous habillés ou. Ben oui, sûrement, ouais. J'imagine. Fait qu'ils sont, ils ont marché jusqu'à là. Ouais, mais ça, ils font de la façon qui est faite de Colisée, c'est que tu marches. De toute façon, eux autres, ils. Le Colisée Mongrain et le Colisée Trois-Rivières sont connectés ouais, ensemble. Ils sont proches. Donc, tu marches en dessous des estrades puis tu te rends. Donc, ah. Ça, c'est un peu moins pire. Ah, en tant ouais. que pour Carlton, je ne sais pas. Par contre, ils ont dû prendre le même chemin. Mais... en tout cas, j'imagine. J'en sais pas trop. J'étais pas là. Donc, la partie s'est terminée 4-2 pour l'UQTR. Ce sont des buts. Concordia ouvre le match. Corsi à 9 minutes 48. C'est, après ça, c'est l'UQTR. Ça y est, c'est parti. Charlin, son 17e de la saison. On les aide à Breton et Bellavance-Martin. Donovan en deuxième période, Belle Avance Martin, Lessard. Breton en troisième période de son 13e, Belle Avance Martin encore. Et Francis Charland. Félix Petit qui fait son 2e en désavantage numérique, il restait 30 secondes à la partie. Et finalement, avec 10 secondes à faire la partie, c'est Monahan pour Concordia qui vient faire la marque 4-2. Donc, plus de 4-1 quand même. Bon, une belle domination. Du côté des Patriotes, les tirs dans la partie, c'est 33-20 pour les Pats. Le meilleur a été dans les étoiles Étienne Bellavance-Martin avec une récolte de 3 passes. Si je ne me trompe pas. Exactement 3 passes. Deuxième étoile, Francis Charlin et Schellenberg, le gardien de Concordia qui récolte la troisième étoile. Donc, c'était un match où est-ce que les Patriots avaient un match d'avance sur McGill, OK? Un match à main sur McGill. Ils l'ont pris grâce à ça, une victoire. Bonne nouvelle pour eux. Ils sont rendus au premier classement. Vendredi, c'était à Ottawa. On s'en allait directement à Ottawa contre Ottawa. Parce que tu as Carlton aussi qui est dans, à Ottawa, là, dans le fond. Ou même près, plus de proche de Toronto, je pense, Carlton. Non, non, c'est Ottawa. Non, c'est Ottawa. C'est Ottawa. Okay. C'est un peu comme, mettons, Concordia McGill, là. C'est... Ouais. Peut-être pas dans la même partie, je sais pas. Je sais pas exactement comment Ottawa est faite, là. Mais non, j'en ai aucune idée. Moi, c'est où, là? Bon, ben, y a pas de trouble. Ah, hein, c'est bon, on va appeler. Continue. On va appeler un géographe. Donc, écoute, Pierre-Luc, si je te dis que les tirs ont été 53-25 pour les Patriotes, tu t'attends à un score de comment? Peut-être 6-2 pour les Patriotes. Mauvaise réponse, Pierre-Luc. 3-2 Ottawa. Ouh. Défaite des Patriotes en fusillade. Donc, le gardien d'Ottawa qui a été totalement en feu, c'est Riley Whitlock qui a probablement sorti sa meilleure partie de la saison. De l'autre côté, c'était Jean-Christophe Blanchard qui était dans les buts. Les buts, c'est Forrester plutôt qui ouvre la marque pour Ottawa à 1 minute 41 de la première période. Premier tir, premier but d'une shot, ça s'est fait comme ça. En deuxième période, c'est Sandou qui vient faire 2-0 pour Ottawa. Ça va pas bien, là. T'affrontes la pire équipe de la OUA, là, ou en tout cas de la division S de la OUA. Tu perds 2-0. Par contre, c'est Alexandre Blais qui vient faire son deuxième. Des aides à Petit, encore lui, et Lessard en avantage numérique à 3,55. Et J.S. Breton, encore deuxième période, vient faire son 14e de la saison. Une aide à Charlin à 7 minutes 59, ce qui fait que c'est 2-2. Il n'y a pas eu d'autres buts dans la partie. On s'en va en prolongation, absolument rien. On arrive en fusillade. C'est Breton, Petit et Charlin ont été les gens qui ont tiré pour les Patriotes. Ça n'a rien donné. De l'autre côté, Sandou a marqué sur le premier lancé. Ça se termine comme ça. 3-2. Défaite un peu décevante quand même pour les Patriotes quand on regarde ça. Là, perdre contre Ottawa, il me semble que c'est plate à dire, mais c'est pas. On a vu mieux. Hein? On a vu. C'est plus fun. c'est pas une défaite qui est vraiment encourageante. 1-7 pour les Patriotes sur l'avantage numérique. On peut pas dire qu'on n'a pas essayé, par exemple. Non, ça, c'est sûr. C'est Riley Whitlock qui a été... la vedette. La vedette, l'homme à battre et qui, malheureusement, n'a pas été battu. Pas plus compliqué que ça. Et finalement, samedi après-midi, c'était les Pats, comme je disais, qui se rendaient à Carlton. Carlton, troisième dans la division S de la OUA, plus gros comme défi. En effet, je te dis 41-28 les tirs pour Carlton. Tu t'attends à un score de combien? Bon, je te dirais peut-être on va baisser, là, tu sais, je me dis, vu qu'ils ont perdu 4-3 pour les Patriots. Ben non, 6-3 pour les Pats. Alexander Archibald, qui est un bon gardien énormément, je l'avais vu l'an passé contre les Pats en série. Ça a pas été sa game. Sur 15 tirs, il en a arrêté 11. Donc, 4 buts. Wow. Ryan Dubé est venu même prendre sa relève. Il y avait 26 minutes 58 de fait dans la partie. Lui, il en a accordé 2 à 13 tirs plutôt. Donc, ça n'a pas été fameux. Du côté des Patriotes, c'est Jean-Christophe Blanchard qui récolte la victoire. Par contre, Sébastien Comeau, le deuxième gardien, qui, bon, disons-le, voit pas une tonne d'action là, dans les buts, est venu prendre la relève alors qu'il restait 3 minutes 33 à faire à la partie. Alors, tu as reçu 4 tirs, accordé 2 buts, donc c'est sûr que t'es frette. Bonne moyenne. Ouais, t'es frette, mais c'est ça, comme tu dis, c'est une moyenne, en tout cas, on a vu mieux. Les buts, c'est Étienne Bellavance-Martin qui fait son 7e de la saison à 5 minutes 15 de la première période. Chiquan fait son 7e de la saison pour faire 2-1. Charlin, Chiquan encore en deuxième période et Joannis viennent faire la marque 5-0 pour les Patriotes. Donc, tu sais, probablement qu'il y a eu un relâchement un peu là, du côté des Pats là, pour accorder en troisième période là, parce que là, les Cartons en ont compté 3. Là-dedans, c'est Breton qui récolte 2-3 passes dans ces buts-là. Self vient faire la marque 5-1. En troisième période, c'est Bastien qui vient faire à 14 minutes 1. Donc, il y avait déjà beaucoup de temps de fait dans la période. Qui vient faire son 4e. Self encore son 10e. Et Alexandre Demers qui vient faire son 12e de la saison à 17 minutes 21 pour venir clouer la marque devant 112 000 personnes. 112 000 personnes, méchant d'arena. 112 personnes à Carlton. Les étoiles, c'est Guillaume Chiquan qui récolte à la première, Jean-Christophe Blanchard la deuxième et Brandon McLean la troisième. Pourtant, ben, Breton avait trois passes. J'aurais pensé qu'il y aurait eu quelque chose, mais non, malheureusement. Belle avance, Martin. Un but, deux passes aussi. Donc, non, ça n'a pas été le cas pour eux. Donc, une fin de semaine pour les Patriotes. Vois-tu, Pierre-Luc, de deux victoires sur trois. Une semaine de deux victoires sur trois. La défaite, bon, donne un point parce que c'est une défaite en prolongation. Ça reste satisfaisant. 5 points sur une possibilité de 6. C'est pas si pire. À l'allure. Ça a l'allure, surtout que contre Ottawa, je pense que si ça aurait été ni que du gardien, là, je pense que les Patriotes l'auraient emporté. Exactement, ils se sont fait voler. Donc, au classement de la OUA, parce que là, on le sait, là, ce qui est important présentement pour les Patriotes, c'est pas juste de finir premier dans la division S, c'est de terminer premier dans l'association ontarienne au complet pour avoir l'avantage de la glace pour toutes les séries. Même si la finale de la Coupe Queens, qui est l'emblème de la OUA, ça va être cette année, c'est à l'aréna de l'équipe ontarienne. Pas de l'équipe ontarienne, de l'équipe de l'Ouest, excuse, OK? Mais au moins, tu as le dernier changement, donc ça vient t'aider, c'est déjà ça. Au classement, donc c'est Utah qui est premier avec 38 points en 23 parties, donc 18 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en fusillade. McGill qui ont maintenant le même nombre de matchs à jouer que les Patriotes. 36 points, donc 2 points en arrière, c'est extrêmement serré. Carlton qui vient troisième, qui s'éloigne un peu Carlton, ça descend. Ils sont rendus à égalité avec Toronto avec 29 points, donc les deux pour les deux formations. Dans l'Ouest, c'est les Mustangs de Western qui sont premiers. 18 victoires, 6 défaites en 24 matchs. Un match en main pour les Patriots sur eux. Ils ont 36 points, les Patriots en ont 38. C'est un avantage sur ce côté-là. Lakehead, égalité avec Western, 36 points aussi. Et très serré dans l'Ouest, Waterloo, qui vient fermer la marche avec 35 points en 24 matchs. Vraiment, c'est ouvert là-bas. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Au niveau du classement, top 10 Canada. C'est les Pats sont encore dedans, bien sûr. Ils sont 5e au Canada. Bien, ça va là avec la fin de semaine. Ils devraient peut-être monter. Pour dépasser Acadia. Parce que Western Ontario sont troisième, puis Western ont moins de points que les Patriots, donc on va voir ce que ça va donner. Ils ont 6 défaites Western, tandis que les Pats en ont 3 en temps régulier. On va voir, ils devraient monter. UNB toujours premier, Alberta, Western, Acadia, UQTR, McGill, St. Mary's, Lakehead, Manitoba et Waterloo en 10e position. Pour des marqueurs de la Ligue, le meilleur toujours Francis Véropol, l'excellent Francis Véropol, 43 points en 22 parties. Francis Charland, deuxième pour les Patriotes, 41 points en 22 matchs. Lui qui récolte aussi 4 minutes de pénalité dans la saison, contrairement à 91 pour Véropol, qui est un joueur, disons-le, agressif. Tu l'avais vu, toi, un peu, Francis Véropol? Oui, avec les Saguenay Chicoutimi. Ouais, quand même un gars qui n'est pas du genre à se laisser faire. Non. Bon patineur aussi. Bon patineur, puis tout ça. Joueur de la semaine, Jean-Sébastien Breton, le vétéran de 3 saisons avec l'équipe de hockey, a enregistré 2 buts et 4 passes lors de la dernière semaine. Justement, contre les Stingers, il a marqué le but gagnant, en plus d'amasser une passe. Contre Ottawa, il a compté le but égalisateur qui a permis aux Patriots de se rendre en fusillade. Et samedi, contre les Ravens, il a fait 3 passes sur... c'est ça, 3 passes, dont une sur le but gagnant. Jean-Sébastien, ben, tu sais, on étudie avec. Troisième année en baccalauréat en communication. Mais moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est vraiment Félix Petit. Quelle vedette! Je pense qu'il est venu aider les Patriotes. Puis je pense que pour les séries éliminatoires, là, ça va être une excellente acquisition là, pour l'équipe de Trois-Rivières. Exactement. Vois-tu Félix Petit présentement là, avec sa fiche de. En 6 matchs disputés avec les Patriotes, 2 buts, 8 passes, 10 points. Lui qui avait commencé avec genre 7 points en 3 parties là, en plus là, donc c'est très bien, c'est une bonne acquisition. Mais le gars a joué dans l'East Coast, tu sais, ouais. C'est parce que c'est 5 pieds 8, 170 livres, c'est ça qui l'aide pas forcément au niveau de... Mais dans le junior majeur, il avait fait une très bonne carrière junior là, avec les Remparts et le Drakkar, je crois, je suis pas certain. J'ai le goût de te dire oui, en effet, j'ai vraiment le goût de te dire oui là, mais ouais. Je l'ai pas devant moi. Après moi, c'est les Remparts et le Drakkar, mais on va aller vérifier ça. Va vérifier ça. Ça, pendant qu'on va parler soccer, ça te va-tu? Oui, bien certainement. Soccer, les Patriotes. Je te dirais, tu sais, on avait parlé un peu, ça regardait mieux au niveau des Patriotes l'an passé. Au niveau du soccer extérieur, on avait des résultats un petit peu plus encourageants. Bon, ça semble pas se concrétiser, malheureusement. Dans le soccer intérieur, à 11 contre 11 intérieur, sur le field turf, ça se joue au Centre Alphonse Desjardins, par exemple, là, ici, au Cap-de-Madeleine. Donc, encore une défaite cette fin de semaine. Chez les hommes, bon, ils ont fait leur premier but de la saison en 3 matchs. Une défaite plutôt de 3-1 contre McGill. Le marqueur pour les Patriots, c'est Yannick Fournier. Et le joueur du match a été Mouhamadou Bachir Diop. Donc la défaite va à l'affiche de Roch Goyette. Donc au niveau du classement chez les hommes, ils sont présentement 6e sur 7. Égalité Concordia qui a aussi 3 défaites. On a un avantage au niveau des points, là, plus et moins, où est-ce qu'on est moins 6, tandis que Concordia sont moins 9. Mais ça regarde mal au niveau des séries présentement. Ben les séries, c'est-à-dire que toutes les équipes font les séries, mais on va affronter une bonne équipe du côté des Patriots, ça c'est sans aucun doute. On va espérer une amélioration, mais on affronte l'UQAM la semaine prochaine, donc ça ira pas mieux là-dessus, les citadins et les citadines qui ont des formations très fortes, surtout du côté des hommes. Félix Petit, oui, c'est bien ça. Trois saisons avec les Remparts et sa dernière année de 20 ans avec le Drakkar de Baie-Comeau. Lui qui a totalisé un total de 273 matchs dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. OK, c'est bon, ça, pareil. Une bonne carrière. Il a joué dans l'East Coast, c'est ça, hein? Ouais. Cincinnati? Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu l'as pu, t'as fermé ta page. Junior majeur. OK, t'es suicide de la Q. Mais bon, c'est bon. Je pense que c'était Cincinnati, mais je pourrais avoir tort. Chez les filles, maintenant, écoute, 3-1, c'était quand même respectable comme défaite contre McGill, contre les Redmond. Maintenant, les filles contre les Martlets, ça a été une belle dégelée, 6-0. Score de hockey, à la limite, ou de, tu sais. Vois-tu, chez McGill, félicitations à Alexandra Morin-Boucher qui récolte 3 buts, le tour du chapeau. Donc, tour du chapeau au soccer, c'est quand même assez rare. C'est plus rare, plus difficile à faire. Quoique, tu sais, au soccer, la façon que c'est fait, tu sais, veux pas... Mettons, t'es défenseur, t'as moins de chances de compter un peu qu'au hockey où est-ce que t'as décoché une de la bleue, ouais, bon, t'as plus de chances de passer. Donc, c'est une défenseur? Non. Ben, je sais pas, là. J'ai pas sa fiche, malheureusement, là. Tu m'as assuré. Probablement pas, je te dirais. Ça serait surprenant, là, okay. En tout cas, à Copa, à peu près. Sinon, je sais pas pourquoi ils font jouer à défensive. Ben, peut-être bien bonne aussi en défensive, ouais. Il y a ça aussi. Donc, au niveau du classement, l'UQTR est 7e avec 3 défaites à égalité Concordia et Bishops, qui ont 3 défaites aussi au niveau des plus et moins. Bon, moins 9 pour l'UQTR, moins 6 pour Concordia, ce qui explique pourquoi l'équipe est 7e au lieu de 6e. Donc, c'est pas mal ce qui conclut, je te dirais, au niveau des Patriotes pour cette semaine. On va à la musique. On va aller écouter. C'est nouveau, j'ai découvert ça hier. C'est dans le palmarès, c'est fou en tant que tel. Là. C'est Polype avec l'album Tropique du Cancer. La chanson, ça s'appelle. Laquelle j'ai mis, moi? Ferrer, oui, c'est ça. Ferrer tes lames sans nourrir tes vers. Donc, on va aller écouter ça. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Déjà trop compliqué. Vous voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Polype avec la chanson Ferrer tes larmes sans nourrir tes vers. Pierluc. Ok, junior majeur, on y va avec notre partie junior majeur jusqu'à quoi? À peu près 10 heures, plus ou moins. Plus ou moins 10 heures. On va avoir un petit peu de musique là-dedans. Ouais, oui, oui. Donc, allons-y, Julien Majeur, les Cataractes qui étaient en action deux fois cette fin de semaine. Oui. Tout d'abord, les Cataractes qui, vendredi soir, recevaient la visite du Drakkar de Baie-Comeau. Je crois que tu étais présent. Exactement, les conduites de partie étaient présentes. Tu sais, quand ta faute de Drakkar, c'est pas. Tu te méfies pas à 100%, hein? On est d'accord non, là-dessus. On l'a vu. En tant que tel, oui, tu pourrais pas dire mieux là-dessus. Tu sais, c'était pas un week-end difficile en plus pour les Pats. Halifax, Baie-Comeau, là. Oui, j'ai dit quoi? Les Pats, Cats, ça rime, là. Non, dans la Cité d'énergie, bon, c'était pas deux grosses formations qui s'amenaient là. Halifax, son dernier dans la Ligue, Baie-Comeau, avant-dernier. Donc, tu sais, tu te méfies deux, pas. Deux pires équipes de la Ligue. Tu manges un peu plus de poutine. t'as peut-être un peu moins focus au game. Mais vois-tu, les Pats, ça continue. Les Cats sont arrivés vraiment, tu sais. Pas fort quand même, une bonne partie, deux bonnes premières périodes, je te dirais. Bon, il commence la première en première période, c'est Michael Claflé qui fait son 7e en avantage numérique avec un aide à Dave Labrecque. C'est 1-0. Deuxième période, tu sais, domination, là, Baie-Comeau se fait surjouer, vraiment, celle-là. Deuxième période, Philippe Paradis qui en marque deux de fil et c'est Michael Bournival aussi qui vient marquer son 18e de la saison pour faire 4-0. Après deux périodes, 4-0. Bon, on est relax, ça va bien, on joue bien. Ouais. Officiellement, je te le dis, les Cats jouaient super bien. Les Cataractes, ça allait très, très bien. Trop. Parce qu'en troisième période, c'est une équipe vraiment amorphe qui est embarquée sur la glace. Pas d'intensité, ça jouait tout croche. Bon, Baie-Comeau en marque un. Marc-Olivier Mimard à 1 minute 39 de la première. De la troisième, 1 minute 39 de la période. Bon, une fois. Okay. Marc-Olivier Mimard a marqué un autre à 6 minutes 23. Oh! Hey, 25 secondes plus tard, David Clich en marque encore un autre. 4-3. 4-3, tu me suis, là. Tu vois, ça commence à perdre la tête un peu. On appelle un temps d'arrêt. Tu sais, on veut remettre ça un peu. En effet, là, les Patriotes, voyons, les Cataractes jouent un peu mieux. Ça paraît que moi qui avais mon segment Patriote dans la tête. Mais à 17-31, c'est Jean-Philippe Caron, justement, des Drakkar qui vient faire 4-4. Jean-Philippe Caron, c'est le cousin Antoine de Caron des Cataractes. Donc, okay. La famille s'affrontait. Le grand-père était dans les Astrades en plus. Donc, belle petite histoire de famille. Ouais. 4-4, on doit aller en prolongation. C'est Nathan Dunat qui est le gardien pour Baie-Comeau. Écoute, il a fait une gaffe. Là, Antoine de Caron qui prend un genre de lob là, puis qui va dessus. Tu sais, il s'y met à genoux, mais comme une petite affaire trop tard en passant entre les jambes à rentrer un but poche, tu sais, pour Baie-Comeau qui venait de remonter. Mais bon, l'entraîneur de Baie-Comeau était quand même content. Ouais, c'est un gros point qu'on est allé chercher. C'est ça, là, en tant que tel, d'aller chercher un point alors que tu perdais. Pour une équipe comme le Drakkar, aller faire 4 buts en 3e période pour égaliser la marque, c'est excellent. Exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est Antoine de Caron qui a marqué justement en progression le but gagnant. Une aide à Charles-Olivier Roussel. La victoire va à l'affiche de Marc-Antoine Gélina qui a reçu 27 tirs. Donc, a fait 3 arrêts, si mon compte est bon, si je sais compter. Donc, c'est ça. On va aller écouter les commentaires d'Éric Veilleux, l'entraîneur des Cataractes, après la partie qui n'a pas été le meilleur résultat. Donc, Éric Veilleux, entraîneur des Cataractes. Deux premières périodes, on a joué comme on se doit de jouer. Troisième, on a. Ça prend juste un petit quelque chose. Des fois, quand ça va mal, ça prend juste un petit quelque chose, puis un étincelle. Et quand ça va bien, des fois, ça prend juste un petit quelque chose aussi pour faire le contraire. Là, c'est ce qui est arrivé. Et que ce soit une shot pas bloquée, que ce soit en désavantage, ou que ce soit un manque de. D'awareness, là, on dit ça là, exactement, là, d'être alerte défensivement en zone défensive, en défensive de zone, peu importe. Une petite affaire va faire en sorte que tu ne mérites pas que la POC ne rentre pas. Mais il faut rentrer, c'est ce qui est arrivé. Ça serait quoi selon toi ce soir-là qui s'est passé? Troisième, on les a pris peut-être, pensait peut-être parce qu'on jouait bien, puis ça allait bien, puis je pensais peut-être que c'est pour ça continuer comme ça, sauf que quand ça va bien, c'est parce qu'on fait des affaires souvent qui font mal. On a vu des gars étendus sur la glace, des gars qui ont bloqué des lancers, on a vu Chilon qui a demandé prendre un check avec cash qui a volé. Tu sais, ça fait mal. Et c'est en troisième, ben d'après moi, de ce que moi j'ai vu en tout cas, les gars semblaient peut-être vouloir terminer le match sans se faire mal. C'est pas comme ça que ça va jouer au hockey. Pas là, pas nous autres là. On a sorti quand même. Oui, si on regarde les leçons, là, on en a plus besoin. Là. On a assez eu là. J'ai le temps de passer sur le pont. Donc, c'était Éric Veilleux avec ses commentaires suite à cette victoire contre le Drakkar de Bécomo. Allons écouter maintenant les commentaires de Pierre-Alexandre Vandal, capitaine des Cataractes, encore suite à cette victoire contre les représentants de la Côte-Nord. On a eu chaud un peu à la fin. Ouais, on a eu chaud. On travaillait fort 40 minutes, puis on a chaud qui est en troisième, là, mais on était un peu trop confiants dans la chambre entre la 2 et la 3, puis c'est la première fois que ça nous arrive cette année. Il fallait peut-être que ça nous arrive pour le comprendre. On a réussi à aller chercher les deux points, mais en aucun cas, on peut se permettre ça cette année. J'imagine que ça devait commencer à brasser un peu sur le banc à 4-4, là. Non, on a gardé notre sang-froid. Ça donnait rien de paniquer. On a connu un time-out pour essayer de calmer toute la gang un peu, mais non, il fallait garder notre sang-froid. C'est ce qu'on a fait. C'était ça qui nous a permis d'aller chercher le but en overtime. Là. Donc, c'était Pierre-Alexandre Vandal suite à cette victoire contre Bécomo. Donc, des commentaires quand même intéressants, je te dirais. Ouais. J'aime bien les commentaires à Éric Veilleux. Oui, je pense là-dessus, je pense qu'il a bien analysé sa troupe. Ils ont l'air de savoir exactement ce qu'ils ont fait de croche en tant que tel. Bon, c'est bon pour le reste de la saison. Quand tu sais au moins ce que tu fais de croche, t'as plus de facilité à le corriger. Les Cataractes étaient aussi en action contre Halifax. Oui, donc le lendemain, samedi, on espérait ne pas revivre la même chose que la veille, bien sûr, en affrontant les Moussettes d'Halifax. Et je te dirais que ça a passé très, très proche. Tout d'abord, en première période, les Cataractes ont mis le premier but sur un but de Antoine Houde-Caron. En deuxième période, on prend les devants 2-0. C'est Dave Labrec qui a marqué. Et finalement, Halifax ont réduit l'écart à un but seulement sur un but de Andrew Wigington. Et les Cataractes, finalement, qui ont compté un troisième but, c'est Philippe Paradis et pour porter la marque à 3-1. Et Lyndon Baum des Moussets est venu réduire l'écart, toujours un but. Mais cette fois-ci, c'était la bonne. Les Cataractes l'emportent finalement 3-2. Philippe Paradis a été nommé la première étoile du match. Jean-Philippe Fouché, aussi le nouveau venu des Cataractes, le jeune de 17 ans, a été la deuxième étoile avec une passe. Et Dave Labrec, deux points dans la victoire, un but, une passe. C'était Gabriel Girard qui était devant les buts, lui qui remplaçait Marc-Antoine Gélinas pour la partie. Donc, ça en était tout pour les Cataractes. Parler un peu de Fouché, je te dirais gros body. S'il travaille à tous les matchs, ça devrait être correct. Il devrait être une bonne acquisition. S'il travaille pas tout le temps, c'est un gros body qui servira pas à rien, par contre, je te dirais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais la shape est là, le talent semble là aussi. Par contre, je te dirais que moi, celui que j'ai adoré vendredi soir, Yannick Veilleux. Le capitaine, pas le capitaine, mais le jeune, qui a fait un but, une passe, si je me trompe pas, une bataille aussi, s'est battu. Son premier combat était bien content. Il s'est lancé, donc le jeune apprend rapidement, c'est le fun à voir. Ouais. On va aller une pause. Au retour, on continue à vous parler du hockey de la Ligue junior majeure du Québec. On va avoir un petit peu de musique. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Vandal, vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. Mmh. Silver Sun Pickups avec la toune Panic Switch. Pierre-Luc, on continue avec le hockey junior majeur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs qu'à Shawinigan dans la Ligue? Bon, on va commencer tout d'abord par l'éthique de Victoriaville. Donc, mercredi, ils étaient en action en Acadie Batters, dans l'endroit où ça va pas très bien avec les foules. Non. Encore une fois, seulement 11,41 spectateurs, donc c'est pas... Tu veux dire 1,141? 1,141, okay. Ouais, ben, en bon français. Non, c'est même pas du bon français, c'est quoi? Non. 1,141, ça, c'est du ouais, bon ça, français. Ça, moi, oui, ça, oui, okay, ouais, bon. Ouais, ouais, ok, c'est bon, je suis dedans. Donc, Victoriaville, victoire de 7-4 sur le Titan d'Acadie Batters, les Tigres en deuxième période qui menaient par 4-2, le Titan qui sont venus créer l'égalité 4-4, le Titan qui est quand même pas une machine de hockey comparativement aux Tigres qui sont excellents, donc, et les Tigres finalement qui ont explosé en troisième période. 7-4 pour les Tigres de Victoriaville. La victoire, je pense que la grande vedette du match a été Joël Champagne, lui qui a inscrit le premier, le troisième et le septième but. Donc, un tour du chapeau pour Monsieur Champagne. Brendan Hines, un but aussi. Philippe-Michael DeVos, un but. Et Yannick Dubé, deux buts. Donc, ça a bien été pour Dubé et Champagne. Les Tigres n'ont quand même pas été si dominants que ça. Seulement 33-32 dans les tirs pour les Tigres. Donc, ça n'a pas été une grosse domination. Kevin Poulin était devant les buts pour les Tigres de Victoriaville. Il a été remplacé par Antonio Mastropietro après le quatrième but en deuxième période. Et du côté du Titan d'Acadie Batters, c'était François Lacerte, l'ancien gardien de but des Cataractes, qui était devant les buts. Et quand même, là, a alloué 7 buts sur 33 tirs. C'est pas excellent pour M. Lacerte. Ça doit pas aider Bébé sa moyenne. Il doit avoir bronzé dans les coups un petit peu. Ouais, hein? Probablement. Donc, on continue avec, puisque les Tigres continuaient leur voyage dans les Maritimes, tout d'abord, jeudi soir, ils se retrouvaient à Moncton pour un affrontement très, très, très attendu entre deux des meilleures puissances de la Ligue en ce moment, les Tigres de Victoriaville et les Wildcats de Moncton. Et ça a été un match très, très chaud. Ça s'est joué beaucoup dans les buts. Quelle confrontation entre Kevin Poulin et Nicolas Riopel. Ça s'est terminé seulement par la marque de 2-1 pour les Wildcats. En effet, c'est serré. C'est très, très serré comme match. Et vraiment, les gardiens de but qui ont livré un très bon match là, pour M. Poulin et M. Riopel. Nicolas Riopel qui est maintenant une fiche de 11 victoires, une défaite jusqu'à maintenant là avec les Wildcats de Moncton. Donc, si je me trompe pas, Moncton n'a pas perdu en 2010 encore. Ben, ils sont rendus à 12 victoires de suite, mais ouais, je peux pas ça, dire ouais, si c'est ça, en 2010, ils n'ont pas de défaite. Moi, je te dis. On l'a dit qu'à l'avoir, ils ont une coche en haut, puis ça paraît. Ouais, donc, Kevin Poulin était la première étoile avec 26 arrêts. Marc Barberio a été la deuxième étoile avec 2 points. Et David Savard, la troisième étoile. Donc, les Tigres, malheureusement, qui s'inclinent 2-1 devant les féroces Wildcats de Moncton. Kevin Poulin, par exemple, qui a livré vraiment là, un très bon match. Lui qui en était quand même à sa 25e victoire cette saison. Mmh, c'est bon ça. Ouais. Donc, les Tigres de Victoriaville continuaient leur voyage dans les Maritimes en s'en allant vers le Cap-Breton pour jouer 2 matchs d'affilée au Cap-Breton. Tout d'abord, samedi, match un petit peu plus difficile, je vous dirais. Un petit peu comme on en a parlé tantôt avec les Cataractes, les Tigres qui menaient 2-1 en troisième période. C'est sûr qu'ils menaient pas quand même 4-0. Là. C'est pas la même game, mais quand même les Tigres de Victoriaville qui ont une grosse machine de hockey. Et le Cap-Breton qui a remonté, qui ont pris les devants 4-2. Victoire de 4-2 des Screaming Eagles de Cap-Breton. Donc, wow! Ouais, non. C'est une grosse remontée quand même. Cap-Breton, une bonne équipe. Là. Je ne vais pas contre n'importe qui. Pas dans la bonne division, mais... Ouais, c'est ça. Pas pour cette année. Pas pour cette année, là. Donc, bon, c'est jamais, là, mais ça m'étonnerait. Bon, on sait jamais. Ça peut être surprenant qu'à Breton, on a quand même un club qui pourrait surprendre. Moi, je pense souvent à Luc Adam là, qui va très, très bien. Olivier Roy qui garde bien le but aussi. Ouais. Puis t'as plusieurs bons joueurs. Qui ont été cherchés au deadline, Jean-Blanc? Maxime Legault. Oui, c'est ça. Des Cataractes de Shawinigan, bien sûr. Faut pas l'oublier, celui-là. Donc, tu sais que de Victoriaville, les buteurs ont été Brandon Hines et Samuel Groux. Quand même, les Screaming Eagles qui ont quand même dominé 39 à 28 dans les tirs. Du côté des Screaming Eagles, c'est Pierre-Antoine Dion, un but. Luc Adam, on l'a dit, deux buts, dont un en flet désert pour assurer la victoire aux Eagles. Et Nick McNeil a un but aussi. Olivier Roy, comme tu l'as dit plus tôt, avait sa 22e victoire de la saison. Donc, Olivier Roy qui a été justement la première étoile du match. Et Maxime Legault a été la deuxième étoile du match aussi, même malgré qu'il a seulement amassé qu'une passe et Adam deux buts. Mais des fois, bon, on n'était pas là au match, ouais, donc on ne sait pas vraiment... C'est loin pour se déplacer. C'est ça, c'est un petit peu loin. Donc, si on continue le lendemain... On essaie de prendre notre revanche contre toujours ces mêmes Screaming Eagles et les Tigres qui ont vraiment commencé tout croche, on dirait. Première période, les Screaming Eagles qui marquent 4 buts d'affilée. Déjà 4 à 0 pour les Eagles. Les buteurs, Corey McIntosh, Luc Adam encore une fois dans ce match. 3 buts, tour du chapeau pour M. Adam. Et Taylor McDougall aussi a été lui qui a marqué le 3e but. Donc, c'était 4 à 0 pour les Screaming Eagles du Cap-Breton. Finalement, les Tigres qui ont compté un but en première période, un autre but en deuxième. Et en troisième période, on s'est rapproché à seulement un but des Eagles. C'était 4 à 3 pour les Screaming Eagles en mi-période, là, en troisième période. C'est Brandon Hines, encore une fois, Joël Champagne et Olivier Janard qui ont été les buteurs pour les Tigres. Mais finalement, là... Les Screaming Eagles qui ont compté un 5e but pour assurer la victoire. Donc, victoire de 5 à 3 pour les Screaming Eagles sur les Tigres de Victoriaville. Les Tigres qui ont dû trouver la fin de semaine assez difficile, faire de l'autobus comme ça. Ah, c'est ça. T'as un voyage comme ça. Avoir des gros revers de même, là. Tu te fatigues rapidement à vivre dans l'autobus comme ça. Oui, et encore une fois, Olivier Roy, qui avait obtenu la première étoile lors du premier match, a obtenu la deuxième cette fois-ci. 34 arrêts pour Olivier Roy dans le match. Luc Adam, donc 5 buts dans les deux matchs. Kevin Poulin doit en avoir mal à la tête de voir Luc Adam. Pas facile de jouer contre lui. Mais quand même, Kevin Poulin, lui qui avait été le gardien de but au tout début du match et avait été remplacé par Antonio Mastropietro après le deuxième but seulement. Et une minute plus tard seulement, les Screaming Eagles en comptaient un autre but et non. Hines, son nom, c'est Yannick Jean. Yannick Jean, je pense qu'on avait déjà assez de Mastropietro. Ah non, mais peut-être que, parce que, comme on dit, on n'est pas là, il y a peut-être un bris d'équipement. Peut-être un bris d'équipement, mais c'est après quand même le troisième but. Là, mais tu dis qu'il était une minute plus tard? Une minute plus tard, troisième but. C'est ça, paf, donc, on change de gardien de but. Probablement que c'était un problème d'équipement ou d'une petite blessure ou quelque chose comme ça. On pourrait s'informer, mais moi, je pense que on fait des changements. Pour ça. Donc, on pourrait regarder ça. Donc, Poulin, quand même, là, qui a été plus difficile pour lui dans ce match, Kevin Poulin, qui avait été la troisième étoile lors du premier match. Et Guillaume Boulet, la troisième étoile, l'ancien joueur des Remparts de Québec. Donc, pour les Tigres de Victoriaville, 4 matchs cette semaine, seulement une victoire. Quand même, c'est difficile pour eux. Les Remparts de Québec, quant à eux, qui sont l'équipe en arrière des Tigres de Victoriaville, qui ont remporté leurs 3 matchs cette semaine. Donc, les Remparts qui s'approchent. Parlant des Remparts, Stefanovic vient d'allumer. Là. Il vient d'allumer. Là. Il était tard, je pense. Là. Qu'est-ce qui se passait avec lui? Je pense qu'un petit peu comme tous les Russes, hein, des fois, on manque de travail. Ça travaille pas assez fort. On est un petit peu nonchalant. Je te dirais que c'est qu'est-ce qui se passe carrément chez Stefanovic. Mais écoute, s'il va avoir une bonne carrière, lui, plus tard, là, il devrait commencer à se réveiller parce que ça s'en vient. Toronto, lui, hein? Toronto, c'est bien ça. Okay. Donc, c'est ça, ça va bien. Ça va très bien pour Stefanovic. Et les remparts aussi, ça va très bien. Grosse victoire cette fin de semaine. 7-5 sur les Huskies de Rouyn-Noranda. On a eu le droit à tout un match au Colisée Pepsi, là, dimanche soir. Et je pense qu'il y avait beaucoup de partisans aussi, en haut de 12 000 partisans qui étaient présents. Donc, très gros match. Les remparts, là, 3 victoires en trois soirs, dont une contre les Huskies. Les Huskies, l'Océanique et... c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Contre Halifax. Donc, ça n'a pas été un gros match. Il ne faut pas, capoter avec ça. Mais quand même, 3 victoires, on se rapproche à seulement un point de l'éthique de Victoriaville. On parle maintenant des Voltigeurs de Drummondville. Ouais. Qui eux aussi avaient 2 matchs cette semaine. Tout d'abord, on recevait la visite des Saguenay-Chicoutimi au centre Marcel Dionne. Et finalement, les Voltigeurs qui l'ont facilement emporté par la marque de 7-2. Benoît Lévesque, Marc-Antoine Desnoyers, Charles Couturier, Andrew Randazzo, chacun un but. Et Philippe Lefebvre, 3 buts dans le match. C'est son premier tour du chapeau en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, lui qui a été bien sûr nommé la première étoile du match. C'est le deuxième gardien des Voltigeurs, Frédéric Piché, qui était devant les buts. Et pour les Saguenayens, c'était Robin Gus, lui qui est à son année recrue, qui est d'ailleurs probablement un des meilleurs recrues là, cette saison, là, accompagné du premier choix qui est Olivier Archambault, je crois, des Foreurs de Val-d'Or. Donc, probablement deux des meilleurs recrues là, cette saison. Voltigeurs de Drummondville, après ça, c'était, je crois, dimanche, victoire de 3-1 sur les Maniacs de Lewiston. Les Maniacs ne sont pas une très bonne équipe encore cette année. Qui en arrache, là, fait déjà 2 ans de fil là, que Lewiston est bon dernier là, dans la section ouest, section centre, désolé. Donc, victoire de 3-1 des Voltigeurs de Drummondville. Sean Couturier, Philippe Bergeron et Jonathan Brunel sont les buteurs et du coup la première étoile du match, bien sûr, le gardien de but des Maniacs, Adrien Lemay, lui qui a arrêté 43 arrêts dans le match, donc 46-16 dans les tirs là, pour les Voltigeurs. C'est une bonne déjouée. J'aurais dû te demander à combien tu t'aurais pensé que ça aurait fini le match. Finalement, ça a juste fini 3-1. Donc, André Lemay qui a quand même été très, très bon. Tu parlais de Mikhaïl Stefanović tantôt. Bien sûr, élu la joueur étoile de la semaine offensif. Donc, lui qui a amassé 6 buts, 5 passes dans 3 matchs, on l'a dit. Donc, 3 victoires face à l'Océanique, Moussets et Husky. Du côté défensif, c'est Evan Mosher qui a été élu le joueur de la semaine. Lui qui a quand même arrêté 50 tirs sur 53. Il a mené le Rocket à des victoires face aux Foreurs de Val-d'Or et aux Titans d'Acadie Batters. Il a maintenu une moyenne d'1.50 cette semaine. Et ça va très bien pour le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard qui en est en ce moment à 5 victoires de suite. Donc, une autre équipe justement qui performe bien. Puis malheureusement, on n'est pas dans la bonne section. Dans la bonne division, comme tu l'as dit, PEI, Île-du-Prince-Édouard, je pense que c'est encore pire que Cap-Breton. Oui, mais eux autres, c'est mieux de finir le plus loin possible pour avoir des bons choix pêcheurs en tant que tel. Oui, c'est ça, mais non, ils vont finir quand même là, dans les bons. On jette un petit coup d'œil au classement avant de terminer. Donc, les Sea Dogs de St. John qui sont toujours au premier rang avec 85 points. Les Wildcats de Moncton qui sont en ce moment à 12 victoires de suite, comme on l'a dit plus tôt. 74 points. Les Wildcats qui devront travailler fort pour aller devancer les Sea Dogs de St. John. Mais d'ailleurs, ce samedi, il y aura un duel entre les deux équipes. Donc, duel au sommet de la Ligue entre les Sea Dogs de St. John et les Wildcats de Moncton. Un match de 4 points. C'est bien ça. Un match de 4 points. Donc, comme je l'ai dit, les Cats qui devront travailler très, très fort pour rattraper les Sea Dogs de St. John. Parce que, tu sais bien, on sait bien, Nick, que si les Wildcats ne terminent pas premier dans leur section, ils s'en iront automatiquement au 4e rang avec premier de chaque division. Donc, ils perdront ce format-là. Perdront l'avantage de la glace là, pour probablement la deuxième ronde ou la troisième ronde d'ici. Drummondville qui est toujours au 3e rang avec 72 points. Victoriaville avec 70 points et Québec au 5e rang avec 69 points. Donc un total de 3 points qui jouent entre la 3e place et la 5e place. Mais même chose pour Drummondville et Victoriaville. Le but est de terminer premier au classement pour avoir l'avantage de la glace. Puisque l'équipe qui terminera 2e se classera probablement sixième, puisque les Wildcats ou les Sea Dogs devraient être avant eux. Donc, on perd l'avantage de la glace assurément, ouais, ou presque, pour la deuxième ronde des séries. On parle un petit peu des marqueurs aussi, les joueurs qui vont bien du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, premier marqueur en ce moment, Nicolas Deschamps, lui qui est échangé des Saguenay-Chicoutimi aux Wildcats de Moncton durant la période de transaction. Donc, 70 points, 31 buts, 39 passes pour M. Deschamps. Charles Couturier, une vedette, la vedette des Vultures de Drummondville, lui aussi est égalité avec 70 points. Charles Couturier, ça m'a surpris beaucoup de voir son nom dans les premiers marqueurs de la Ligue. C'est toujours un joueur qu'on voit souvent dans... qui a marqué durant les matchs, ouais, mais je pensais quand même pas là, qu'il était classé deuxième. Ah ouais, ben, mais il était premier rang, un petit bout. Là. Ouais? Ouais. Puis il devrait sortir très haut l'an prochain. Probablement. Très haut au repêchage de Ligue nationale. Ouais. Troisième rang, DeVos avec 67 points. Quatrième rang, Kougrichev des Remparts avec 67 points. Ça aussi, ça m'a surpris beaucoup. Kougrichev, qu'on dit souvent à Québec un peu comme... bon, on dirait décevant quelques matchs, je vous dirais, mais finalement, quand même pas si pire. Quatrième rang, marqueur, il n'y a pas grand monde qui cracherait là-dessus. Donc, Gabriel Lévesque est le cinquième. Et si on regarde, là, les cinq premiers marqueurs de la Ligue, c'est toutes des équipes de tête. Donc, on a Moncton, Drummond, Victo, Québec, Rouyn-Noranda. Donc, c'est là que tu vois que c'est très important d'avoir des joueurs des grands joueurs dans ton équipe. Et qui est au sixième rang, Nick? Puis Alexandre Vandal. Et voilà. All right. Que tu es excellent. Donc, 65 points pour M. Vandal. Qui, non, le Shawinigan n'est pas une équipe de tête. Et Vandal qui réussit quand même à être dans les superstars de la Ligue. Bravo, puis Alexandre. Ouais, Vandal qui essaie présentement de... C'est sûr qu'avec son agent, essaie de trouver un contrat professionnel, que ce soit Ligue américaine ou Ligue nationale. Joueur de 19 ans, Vandal? 20 ans. 20 ans. Oui, c'était 20 ans. Donc, difficile à ce moment-là. Ben, tu sais, Yannick Rindeau l'a fait l'an passé. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Yannick Rindeau, par exemple, a fini avec quelque chose comme 100, quelque chose point. Ouais. Premier marqueur de la Ligue. Oui, mais Rindeau joue avec une meilleure équipe que Vandal, ouais, cette année. Ouais, là, ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est même pas... On peut pas mettre ça de côté. Faut pas mettre ça de côté. Mais non. Sinon, pour lui, s'il obtient pas pro, j'ai l'impression qu'il va aller jouer universitaire. Je sais que McGill l'avait approché l'an dernier. On avait discuté. Ouais, ouais, ouais. On va voir. Je sais pas si les Patriotes vont faire quelque chose là-dessus. Ouais, mais... On aimerait ça, en tout cas. Ouais, ça serait intéressant. Un gars local, si on peut dire. Là, ouais. Que ça aurait de l'allure, pas à peu près. Une saveur locale. Une saveur locale. Hey, lors du match Husky contre Rempart, Michael Tam et Patrice Cormier qui se sont rencontrés. Ouais, qui se sont rencontrés finalement. Michael Tam qui n'a pas voulu trop rentrer dans les détails de la conversation qu'il avait eue avec lui, mais a quand même dit que ça l'a très bien été avec lui. Mais bon, on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est dit. Probablement qu'il y a eu des excuses. Des explications. Ouais, mais c'est réglé, mais je pense que pour Tam, Cormier va rester un joueur salaud. Oh, peut-être, je ne sais pas. Là, on n'a pas de nouvelles. Là, ils voulaient envoyer la suspension en protêt. Ils ont trouvé une nouvelle angle de caméra. Ben, les Huskies de Rouyn-Noranda qui vont en appel parce qu'ils trouvent que la sentence est beaucoup trop dure, beaucoup trop sévère. Donc, ça sera à revoir là, pour les Huskies. À ce moment-là, c'est vraiment Gilles Courteau qui se ramasse avec le dossier entre les mains. Le préfet de discipline et Raymond Bolduc n'ont plus affaire dans cette histoire. C'est vraiment M. Gilles Courteau qui devrait prendre la décision à ce moment-là. Parce qu'ils montraient qu'ils ont trouvé une nouvelle angle de caméra puis que c'était comme un peu moins incriminant que... Bon, tu sais, ça disait que, en tout cas... On verra bien, mais on va voir ce que ça va donner. Du côté des Huskies, c'est... Écoute, avec le coup de coude qu'on voit, là, que ça soit un angle de caméra ou pas, là... Je trouve que c'était un coup de coude quand même. Ouais, mais du côté des Huskies comme du côté de Val-d'Or, les deux équipes ont besoin d'argent. C'est pour ça qu'on s'était boosté des clubs pour aller loin en série. Ça finit vite, surtout Val-d'Or. Là, c'est pas, on peut pas dire que les situations financières des deux concessions sont très reluisantes présentement. Non, non, non. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va quand même payer des avocats, etc. pour... Ben, pas des avocats, mais on va quand même payer pour aller en appel. Là. Ça ouais, coûte non, quand mais... même un petit peu d'argent. Là. Bon, mais, donc, on est quand même prêt à faire... 1000$. 1000$. Ouais, tu sais, c'est moins payé. Là. C'est pas comme ça coûtait les revenus d'une partie là, non plus. Là. Fait que, on va voir ça. Donc, on va aller une pause. Au retour, on va avoir JP Grenier à Nantes qui va nous parler olympique. On va parler de la série Québec-Montréal. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le www.inconduitedepartie.com, le site web pour nous écrire en studio live à commercial.inconduitedepartie.com. Vous écoutez l'Inconduite de Partie sur les ondes de C'est Fou. C'est fou, 89 ans. La bonne musique en tout temps. Il est méchant, le vigile de la COP. Le vigile de la COP est méchant. C'était la question avec Compliqué évident. Donc, vous écoutez l'incontre de partie. On dit bonjour à notre chum JP. Salut les gars. Ça va? Salut. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Started the training, les gars? Ouais. À matin, 5h30, debout, fait noir. T'es donc discipliné. T'as pas vraiment le choix, de toute façon? Ouais, tu devrais peut-être faire comme moi, là, Nick, un peu. Les parties. Hop, tu m'as tué hier, quoi, non? T'as des espions, t'as des éclaireurs. Des éclaireurs, ouais. Donc, Pierre-Luc, JP, vas-y donc, on va y aller, écoute, avec tout ce qui est actualité de la semaine, on va joindre tes Olympiques avec ça, ça va? Ouais, ça va bien. Parfait. Ouais. Donc, cette semaine dans les actualités, vas-y donc, Nouvelle Olympique. Nouvelle Olympique, ça se rapproche, hein, les gars. On sent l'ampleur devenir de plus en plus grande dans tout le pays. La flamme olympique qui est rendue à... Pas loin de la Colombie-Britannique. Ouais. Là, ils font visiter à peu près tout ce qui est possible de visiter à Colombie-Britannique. Je pense que c'est cette semaine que la flamme olympique devrait arriver à Vancouver. Ben, elle arrive-tu pour les jeux ou? Ah, peut-être un petit peu avant. Ben, c'est peut-être que JP, tu pourrais répondre à cette question. Moi, je dis qu'il peut pas répondre. Non? D'après moi, là, ça va arriver direct pour les jeux, durant la cérémonie finale, là, me semble. Ouais, peut-être. Normalement. Peut-être, mais elle était rendue à Kamloops, je crois. Ouais, ben, ils vont peut-être la faire attendre dans une grange, en quelque part. Ouais, dans une shed. Une shed, là, puis... tu sais de quoi de bien, bien, bien propre, là. Donc, vas-y, JP. Ben, il y a tout d'abord Paul Martin des Devils du New Jersey qui va rater les Jeux olympiques. Là. Il a pris la décision de pas joindre l'équipe américaine due à une blessure. Je trouve ça dommage pour eux parce qu'ils perdent quand même un de leurs bons éléments. Sauf que c'est la Moriello qui doit être content. Là, pas perdre il prend son la bonne gars. Décision pour ses Devils. Ouais, ben, c'est ça que les gars n'ont pas le choix de faire. Au niveau de Team Canada, pas de blessés pour l'instant? Ben, il y avait Patrice Bergeron qui était peut-être un cas incertain. Ouais, OK. Là, j'imagine qu'il va faire partie de l'équipe. Il y a aussi Mike Komsarek pour les Américains. Ouais, oui, c'est cette vrai. Cette semaine, là, il a pris la décision de ne pas y aller. Sinon, ben là, c'est ça. Du côté du Canada, on est quand même passablement en santé, sauf qu'il y a tellement de profondeur que j'imagine qu'on va pas avoir besoin de trouver un remplaçant si jamais il y a des blessés. Là. En effet, en effet, en effet. Parlez-tu ça? Bon, là, tout ça, C'était une petite semaine, hein, côté olympique, quand même. Ben, je trouve qu'il n'y a pas gros de nouvelles, là. Même si c'est dans 10 jours, là, je trouve que, personnellement, on entend parler, mais on pourrait en entendre parler plus que ça, là. Ça surtout c'est à Vancouver. Je pitche de quoi, là, mais ça se pourrait-tu que... Au niveau des compétitions et tout ça, bon, les circuits commencent à prendre un peu congé quelques semaines avant? Je suis d'accord avec toi, oui. Puis... Je sais pas si vous en avez pas entendu parler. Je sais que les jeux n'étaient pas en péril, là, mais il y a beaucoup de stations de ski qui avaient été fermées dans le bout de Vancouver parce qu'il mouillait tout le temps. Ouais, ouais. Notamment la montagne à côté de Whistler, j'ai pas le nom. Sauf ouais, que, c'est Creemore, quelque chose comme ça. Là, j'ai un blanc, moi, tout. Un bon blanc à part de ça dessus, là, mais. Ouais, la montagne à côté. Où est-ce qu'il y a les épreuves de ski cross puis de halfpipe qui vont se dérouler? Exactement. Il avait été obligé de la fermer parce qu'il mouillait, mais là, c'est rendu à 10 jours des jeux. Je sais pas ce qui va se passer avec ça. Mais là, il disait que ça serait correct, là. J'ai vu ça hier dans les médias. Il disait que ça allait être correct, mais ils ont fait livrer des trocs de neige puis ils ont fait livrer des bails de foin pour mettre par-dessus la neige pour la garder au froid. OK. Fait, c'est comme un petit frigidaire qui se font, là, dans le fond, là. Comme dans le temps qu'on faisait sécher notre poisson. Là. N'importe quoi. Hey, je vais avec une petite nouvelle de mon côté. Les Dragons du Collège de la Flèche dans le Collégial 3A qui ont remporté leur match 6-2 ça a fait dimanche dernier contre Saint-Laurent. Donc, au niveau du classement, cette victoire-là leur permet d'atteindre le deuxième rang de la Ligue avec 24 points. Toujours derrière Alma, les Janois. Qui ont 27 points, eux, mais 2 matchs en moins pour Alma, 2 matchs en main aussi pour Saint-Laurent, qui sont 3e avec 23 points. Pendant que tu tousses, Pierre-Luc... Désolé, la grippe. Non, c'est correct. Si tu veux l'attention, vas-y, dis-nous donc des nouvelles de Midget 3A. Ben, Midget 3A, écoute, les Estacades qui avaient 2 gros matchs cette semaine, contre des équipes de leur division. Tout d'abord, ils recevaient la visite des Commandeurs de Lévis, ça c'était mardi dernier. Les Estacades qui l'ont emporté par la marque de 5-4 en fusillade. Les buts ont été marqués par Francis Turbide, Nicolas Lévesque, Alexandre Perron-Fontaine, Maxime Saint-Cyr et le buteur en fusillade a été Philippe Minot. Le gardien de but quand même très bien fait dans le match là, qui était Jimmy Appleby. Deuxième match contre le Séminaire Saint-François. Première défaite pour les Estacades depuis un bon petit bout contre le Séminaire Saint-François. Défaite de 2-1. Le seul buteur du côté des Estacades a été Michael Langlois. Pourtant, les Estacades ont joué un très bon match, mais je pense que le gardien de but, là, Maxime Lagacé, des Blizzards du Séminaire Saint-François, a très bien fait avec 23 arrêts dans le match. Donc, une victoire sur deux pour les Estacades, mais quand même, ça n'a pas été une grosse défaite là, contre le Séminaire, je vous dirais. Là. Ça va très bien pour les Estacades. Parfait. Chez le Caron et Gay de Trois-Rivières, ils étaient en action 2 fois cette fin de semaine alors qu'ils affrontaient le CIMT de Rivière-du-Loup. C'était vendredi. Défaite, toute une dégelée que le CIMT a donné à Trois-Rivières. Pourtant, CIMT sont 5e au classement, 6e même. Ouais, cinquième, excuse. Avec 34 points, tandis que Caron et Gann a 48. Pourtant, c'est une victoire de 8-1 du CIMT. Là-dedans, il y a des buts. Vois-tu le seul but de Trois-Rivières a été fait par Éric Labelle. Stanislav Lascek, tu te rappelles de ça, toi? Pierre-Luc? Stanislav Lascek? Ouais. Toi, JP, tu te souviens de ça? Il jouait avec... Les Saguenayens. Les Saguenayens de Chicoutimi. Il joue dans le semi-pro, lui. Ouais, il reste là. Pourtant, il veut dire... Il était pas vite, lui. Si je me souviens bien, c'est qu'il était pas rapide. OK, OK. C'est pour ça qu'il n'a jamais percé dans plus haut que junior majeur, parce que... Ben, il a joué... ça avec Zagrapan, c'est les grosses années de Chicoutimi. Il a joué un peu avec... Francis Lemieux. Dans la Ligue américaine, dans East Coast. Fait 21 et 27 points dans East Coast, à un point par match presque, là. Mais je veux dire, c'est un Slovaque. Je me serais attendu à ce qu'il se retourne en Slovaque, pas qu'il joue dans le semi-pro, là. Tu dois avoir rencontré une fille. On l'a. Donc, la défaite va à l'affiche du gardien Danny Dallaire. Ou peut-être Gingras aussi. J'ai pas l'information. Désolé, mais en tout cas, 720 personnes à Rivière-du-Loup, donc pas une très bonne foule. Le lendemain, le dimanche plutôt, ils affrontaient le CRS Express de Saint-Georges qui était en ville ici. Ça s'est pris du côté de Trois-Rivières, c'est une victoire de 4-2 sur le CRS Express, compagnie de trucks en passant, pour ceux qui se le demandent. Philippe Audet, Alex... C'est des truckers, les joueurs? Ou... Non, c'est juste un commanditaire. Alexandre Mathieu, Nicolas Marcotte, Mathieu Gravel, Jean-François Laplante, ça c'est du côté, et Audet du côté de Saint-Georges, et Marc Bocage sont venus compter pour le Caron Aigué. C'est Gingras qui récolte la victoire, Mathieu Gingras, chez le Caron Aigué. Alors, nouvelle, toi, Olympique, c'est beau, t'avais-tu d'autres nouvelles, toi, JP, par hasard? Ben, il y a eu le Pro Bowl en fin de semaine. Ouais, t'as vu ça, hein? Mais ça... C'est intéressant. Ben, football, je propose qu'on garde ça pour après... C'est ce que je vais dire aussi. Après et demi. Mais on va pitcher une nouvelle de football. Ça aurait de l'air que Tim Tebow... On a parlé, il avait de la misère à prendre les snaps, puis il a fait pitié un peu pendant le Senior Bowl. Ben là, c'est ça, là, il a fait appel à Mark Trestman, ça m'aurait... Ben ouais, c'est ça. Très bonne décision de sa part, je pense que c'est un excellent professeur, puis il connaît le système pro, il a déjà coaché dans la NFL, pas en tant qu'entraîneur-chef, mais il a déjà dirigé une attaque offensive, les Raiders d'Oakland, on s'en souvient. Puis je pense que pour lui, au plan personnel, les professionnels, c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Exactement. Là, en échange, probablement que selon les rumeurs, les Alouettes l'auraient mis sur leur liste de négociations si jamais ça marchait pas pour lui dans la NFL. Donc, on va suivre peut-être ça. Dans 3-4 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Ouais, à court terme. Ben, tu peux arriver plus vite maintenant dans la CFL parce que tu peux pas aller dans la NFL Europe, tu sais. Le gros calibre de NFL Europe a disparu, hein. Le gros calibre, oui. Ou l'Arena Football League non plus, qui n'existe plus. Il y a la UFL, par exemple, à Star. Ouf, oui, hein. Ça a donné quoi, ça? C'est bon, j'ai absolument rien vu. JP Lossman, as-tu fait de quoi? Non, il a pas fait grand-chose. Sauf que il y a quelques équipes qui sont quand même bonnes. Je parle à Orlando. On se souvient... je pense qu'il y a... comment il s'appelle, le porteur de ballon, là, l'ancien d'Ohio State, Maurice Claret. Claret. Il est plus en prison, lui? Ouais, il est en prison, finalement. Un bon modèle. Exactement. Qu'est-ce qu'il avait fait voler un char, c'est ça? Non, trafic d'armes. OK, excuse. C'est soit un ou l'autre, hein? On est comme... ouais, c'est ça, il n'y en a pas de milieu, hein? Il a volé une barre de chocolat. Non, trafic d'armes. Donc c'est ça. Donc, ça va être intéressant de voir justement si Thibaut va pouvoir profiter des conseils de Trestman pour s'améliorer, j'espère, pour lui, parce que ça a l'air que pour l'instant, Jésus n'est pas en train de le sauver. Non, c'est ça, avec ses commerciaux contre l'avortement. Ouais. Ah, c'est lui qui a fait ça? Ouais, c'est lui, là. Au Super Bowl, ils vont avoir une annonce là, contre l'avortement, puis... bref, c'est lui le porte-parole, si on veut, là. Oh, ouais. Wow, ça va brasser de la... Ouais, ben, en tout cas, je suis un peu contre ça, là. Mais... L'avortement, toi? Non, mais, justement, la pub, là, concernant... Ça, ouais, là, c'est ça, mais tu sais, c'est la droite américaine qui se fait aller, hein. La droite religieuse, puis tout ça. Ah, voilà la musique. Damien Robitaille, on va aller écouter la chanson « Cercle ». Qui est sur son dernier album intitulé Homme autonome. Pas excuse-moi, pas cercle, mot de passe.

Tu sais, comme moi tout, j'ai décroché. Mais j'ai fait quelque chose que je fais rarement. J'ai donné la chance au coureur. OK? Tu sais, normalement, quand je mets mon opinion sur de quoi, c'est fait, c'est mon pied à terre, puis vous pouvez en parler à mes amis, je suis assez dur de tête, là. J'ai donné la chance au coureur. J'ai regardé une partie du match de dimanche. Là, je m'attendais à de la gamique. Je m'attendais à voir Québécois écrit partout, Lise Dion qui fait une apparition pour chanter l'hymne national. Tu sais. Voir les célébrités québécoises. Dans t'sais, la ouais, tu sais, toute Marie-Mé. Pis, ouais, tu l'avais-tu vu, ce gala-là? C'était Interbox, c'était Jim dans le temps. C'était un des ouais, deux. C'était Bouté. C'était Interbox. Puis, il pluguait. Mais tu sais, il pluguait Lise Dion, puis Joël Lejean, Charles Lafortune. Je dis, wow, on est loin, pas à peu près de Jack Nicholson. Puis, ouf, ça, c'était pénible. Mais, félicitations à TVA. Ils sont pas tombés là-dedans. J'ai regardé la partie. Bon, c'est sûr que le calibre, là, de toute façon, j'espère que toute personne qui écoute ça réalise que tu n'écoutes pas ça pour voir un match national parce que c'est pas ça. Non, là. C'est pas le meilleur calibre. Tu as des filles, tu as des gars de 40 ans, 50 ans. Mais j'ai aimé ce que. Je suis en train de dire ça. J'ai aimé quand même ce que j'ai vu. Belle intensité, bon match. Les deux équipes se donnent. Moi, je m'attendais justement à ce que, tu sais, ça niaise, puis il n'y a pas d'enjeu, puis la fausse rivalité, puis tout. Non, une coupe de taloche à la face, puis... On n'a pas mis en échec. Je pense que ça... Ah, j'espère. Ils n'ont pas le droit de frapper open ice. Ils n'ont pas le droit de frapper dans le centre, par contre. Ce qui est plate, hein, un bon hit open ice, JP. Ben, dans le fond, ils jouent au hockey, là, je veux dire... Les taloches d'en face, il y en a dans toutes les ligues de garage, je pense, pareil. Ça fait partie du sport, là, veut pas, c'est compétitif, tout. Mais je suis quand même content qu'il ait permis le plaquage, parce que sinon... ça serait plate, là. Ouais, c'est pas que ça serait plate, là, mais les petits joueurs, ils se démarqueraient, puis... c'est un peu comme quand tu vas jouer à la patinoire dehors, là. Comme quand t'es à l'intérieur avec des règlements puis un équipement, là. Sauf que ce que je pense qu'il a fait, que, justement, tu disais qu'il y avait pas de superflu, Québécois, tout... C'est que je sais que le monde là-bas, Stéphane Laporte, tout, ils ont été vraiment critiqués à cause de la première. OK. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils se sont juste plus concentrés sur le jeu. Tu sais, je lui dis, j'ai pas écouté le match, mais là, tu me parles que, dans le fond, il y avait pas de fla-fla, puis... J'ai pas vu à la fin de la partie, là. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais qu'il y a des joueurs au balatage, là. Avec la fille qui pleurait, là. Regarde, là. T'as vu ça dans l'annonce, JP? Je veux dire, t'es scratch. Là. Ouais, t'es pas coupé, là, tu sais. Tu fais juste pas jouer, là. Ben, il faut dire quand même que, écoute, il y avait la game des remparts avant ça, à 2h au Colisée. Ouais. On a rempli finalement le Colisée Pepsi pour la game Montréal-Québec. Ouais, mais c'est donné, ces billets-là. Là, c'est gratuit, mais quand même, il y a quand même 15 000 personnes qui se sont déplacées pour aller encourager une game qui... ne veut pas dire grand-chose. Ben, les codes d'écoute sont sortis, puis c'est 1,4 million de codes d'écoute. C'est excellent. Qui est le double du Canadien de Montréal. Sauf qu'en même temps, TVA, tout le monde l'a, le Canadien, c'est faut ça. Payer pour l'avoir. C'est ouais, ça. Puis, t'as tout le temps le ratio ma tante qui écoute TVA, peu importe ce qui joue à TVA. Ça, là, je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi le pourcentage d'auditoire de TVA. C'est ce ratio ma tante-là, là, qui ne change pas de poste, peu importe. Que ce soit les saisons de Claudine, que ce soit les tirages de l'Auto-Québec, elle a ma tante, elle écoute ça. Elle sait, ma grand-mère était de même. Les feux de l'amour aussi. Les feux de l'amour, hein. Toujours aussi populaire après tant d'années. Mais je vais regarder. Il y avait une fille, Aspect, Aschek, de quoi de même, qui jouait pour l'équipe de Montréal. Bon, là, ça serait le fun de dire à Pierre Infray et Yvon Penneau, oui, elle a très bien joué, mais arrêtez de nous dire à toi six balles de 5 secondes, là, un moment donné. Là, Ben, moi, c'est plus le gardien de but de Québec, Julien Walsh. Julien Walsh. Il avait gardé le but pour qui, lui, dans le genre? Bécomo, Victoriaville, puis une autre équipe. Mais, ouais, excellent, le petit Julien Walsh. Puis, ça rappelait, là, dans ses années juniors, comment il était bon. Ouais. Ben, en tout cas, je vais suivre la série. On vous en parlera pas toutes les semaines. Là. C'est pas vrai qu'on va faire ça, par contre. J'espère. On va suivre ça. On va. je dirais je vais probablement regarder une partie de la prochaine game, mais au bout de 8 matchs, il devrait sailler la face. Là, y en ouais, ça là-dedans. Devrait brasser vers la fin. Mais moi, il faudrait qu'il arrive un cheap shot, là, vraiment un gros. Là. Ouais, ouais, ouais. Un coup de coude à la Cormier. Hey, Cormier, peux-tu jouer? Pour le reste de la série. Cormier, peux-tu jouer dans la série? Ah non, il n'est pas de Québec ou de Montréal, lui, il est de Cap-Palais au Nouveau-Brunswick. Donc, il joue pour Québec. Jonathan Roy d'un net. Mais là, il y a eu une mini-controverse avec Michel Bergeron. Là. Oui, gros Michel Bergeron. Ils ont été mettre des micros. Mais, OK, first, OK, premièrement, Ron Fournier comme arbitre, ça, c'était pourri, con. C'est pourri, ça, c'était con. Ron, il va faire le show. Ron, il l'a pu, là, pour comment être arbitre, tu peux mettre autant d'argent dans une émission puis mettre Ron Fournier comme arbitre? C'est pour le show. C'est pour le show. Ah, ouais, mais tu sais, Ron a arbitré ouais, longtemps. Mais rendu, c'est vieux, monsieur Fournier. Mais il est plus jeune, jeune. C'est parce qu'il est rendu plus chaud qu'arbitre, là, ouais, présentement. Mais Michel Bergeron qui pète une coche en onde. Ben, en onde. Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, qui sac comme un malade. Cette idée de mettre des micros là-dessus, toi, c'est... Non, ça, ça vaut... Allez voir ça sur YouTube. Michel Bergeron, ou quelque chose de même. Qui fait Michel Bergeron, Ron Fournier. Ça vaut la peine de voir ça, d'entendre ça. Donc, on va finir ça tout de suite pour cette belle série ô combien passionnante qui est Québec-Montréal. Vous avez senti un petit peu de surclasse quand même. Là. Mais c'est ça, là, justement, là, moi, c'est les affaires de ballottage que je vais essayer d'en savoir plus comment ça marche parce que c'est un petit peu trop pour moi. Ouais. C'est pas trop. On s'en va une pause. Musique au retour. Ça va être votre spécial Super Bowl. Bouffe de Super Bowl aussi. Tout ça. Donc, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Pour nous rejoindre en onde, c'est le live commercial. inconduitedepartie.com en studio. En studio, là, si vous voulez nous rejoindre en studio, là, c'est www.liveinconduitdeparti.com. Je suis mélangé dans mes notes pour ça. Donc, on s'en va dans deux minutes. C'est fou, comme un ballet. Toi, qui es-tu? Dean Portman. D'où viens-tu? De Chicago, Illinois. Toi, Guy Germain. D'où es-tu? Saint Paul, Minnesota. Toi, Jesse Hall de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charm, Saint-Pierre. Luis Mendoza, Miami, Floride. Sébastien Proux, Joliette. Fountain Lead, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Kenwood, San Francisco, Californie. Je suis Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Reconduite de partie. About the next big heart attack. Alors, c'était Atreyu avec Falling Down. On y va avec Football. Alors, JP? Yes. Football, on soit maintenant en studio. En plus, on a de la visite, de la grande visite, qu'on n'a pas vue depuis un petit bout, monsieur. Oh, attends une minute, moi, ouvrir ton micro. En plus. T'es pas habitué. Hein, parle donc avec ta voix profonde et. Bonjour tout le monde. Au comment érotique. Je suis ennuyé de vous autres. Eh oui, comment tu vas? Pleine forme. Le stage va à merveille. C'est de la job, mais ça va bien. Ça va bien. T'apprends ton futur métier. Je vous écoute quand même à tous les matins et je vous conseille en tant que collègue. Non, t'en as manqué une, c'est ça. T'en as manqué une la première, je pense. Ben, mais c'est ça qui arrive avec toi, là. C'est que, tu sais, t'es là, tu nous écoutes, il nous supporte. Merci. On sait qu'on a au moins. Ouais. Ben, JP aussi nous écoute. Je vous écoute. Fait que c'est pas les seuls. Ça fait deux, là. On est rendu dans deux auditeurs, c'est bon. Ta mère, elle écoute ça encore? Non, c'était ma soeur. Ah, ta soeur? Non, malheureusement, elles sont un peu plus à travers. Donc, OK, je pensais juste qu'elle s'était tannée. Ah, non, non. On n'est pas assez mauvais pour ça. Ouais, non. Là, on va parler football. JP, on y va tout de suite, parce que là, on va splitter ça en deux. Là, elle était très... Tu sais, on a 20 minutes, là. On va... T'as 10 minutes max, parle-moi de la game, de quoi à quoi qu'il faut s'attendre. Parce que là, il y en a le groupe, on le sait, puis j'ai mis un billet là-desus sur lesconduitsdeparti.com, sur les fameux spectateurs d'occasion qui vont écouter la game. C'est leur première game de la saison, là. Tu sais, ils connaissent Peyton Manning, puis ils connaissent Peyton Manning, puis juste Peyton Manning, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils connaissent Reggie Bush, c'est le meilleur porteur de ballon de la ligue. Pas overrated pour 2 cents. Ben, c'est un gros match, les boys, là, match de l'année. Puis, sérieux, je pense qu'on va avoir tout un duel offensif. Mais ce sera pas, d'après moi, si un gros score que ça. Le monde s'attend tout à des 45-40. Je pense, sérieux, là, ma prédiction, là, vite de même, là, ça va genre être 29-24. Okay. Ce sera pas... la défense des Colts est très fort. Je sais que les Saints ont éprouvé certaines difficultés en défensive. Manning va en profiter, c'est sûr. Qui est, selon moi, le général là, en haut carrière de la Ligue. C'est, d'après moi, le meilleur. Le gars est trop intelligent, puis il a eu 2 semaines pour étudier la défensive des Saints. D'après moi, ça va être une victoire des Colts. Sauf que ça va être quand même serré. Là. On va avoir droit à un excellent match. OK. OK, toi, c'est de même que tu vois ça, là? Oui. OK. Parle-moi donc des forces en présence, un peu. Des forces en présence, du côté des Colts, c'est sûr que tout est centré au niveau de l'offensive. Donc, on oublie de la défensive souvent. Là, t'as des gars comme Dwight Freeney. Je sais qu'il est blessé, mais il va sûrement être à son poste. T'as Maris, t'as Maria, t'as Bob Sanders qui va peut-être être à son poste. T'as Marlon Jackson. Donc, c'est pas des gros noms, mais c'est des gars qui travaillent fort puis qui sont très rapides. OK. Puis, surtout en Floride avec le temps chaud qu'il annonce, là, ça va être intéressant de ce côté-là. Va-tu encore pleuvoir? C'est encore saison des pluies un peu en Floride ou? Ouais, mais toute la fin de semaine, il y a plu, mais il annonce très beau là, cette année. Fait que ça va être intéressant à surveiller de ce côté-là la météo. Ça peut être un facteur très important pour les batteurs. Surtout que depuis le début des séries, ils ont très de la misère. La faiblesse des Colts, le jeu à l'attaque au sol. Je sais que Brown puis Adais se partagent le travail, sauf qu'on a la pire de la ligue. Puis, les joueurs surveillés du côté de l'attaque, t'as effectivement Manning, mais t'as un gars comme Dallas Clark, Pierre Garçon, puis peut-être Austin Colley qui va être très intéressant à surveiller, puis ils vont être très forts parce que ce qui arrive, c'est que Reggie Wayne, c'est le gros receveur à surveiller du côté des Colts. Puis, regarde, Manning est tellement intelligent. Du côté des Saints, dans le fond, on a une équipe complète. Au niveau de l'attaque aérienne, très spectaculaire avec des gars comme Marquise Colston, Robert Meacham, Top Drew Brees, qui est tout simplement le meilleur passeur dans la ligue dans les 4 dernières années. Puis au sol, c'est assez varié. Là, t'as 3 gars. T'as Pierre Thomas, t'as Mike Bell, puis t'as Reggie Bush qui partagent le travail à 3. Ils sont très explosifs. Là. Pour ceux qui ne savent pas, le Reggie Bush... c'est tout sauf un porteur de ballon. Là. Il retourne des bottés, il attrape des passes, mais arrêtez de me dire que c'est un des meilleurs de la ligue. Là. Partout où je dis ça, pis, ça m'agace un peu. Ah non, c'est ça. Alors, Dwight Freeney va peut-être manquer à la partie? Ouais, il va peut-être manquer, mais regarde, Giguère l'a dit aussi en entrevue cette semaine. Ce gars-là a tellement de cœur, puis anyway, c'est le match le plus important. il dans va sa carrière, peut-être. C'est ça. Là. Ben là, quoi qu'il a-tu déjà gagné le Super Bowl? Il a gagné avec les Colts en 2006. Ouais, OK. Donc, ouais, Super Bowl XL1 champion. C'est quoi XL1? C'est 41. 41, ouais, t'es fort en chiffres romains. C'était à Miami. T'es-tu dans l'histoire, toi? C'est pour ça que t'es bon, c'est les chiffres romains. C'est pour ça, hein, ouais. mais sérieux, puis coïncidence de même, vous en avez déjà certainement entendu parler, les boys. Écoute, les deux seuls Super Bowls que les Colts ont gagnés, autant à Baltimore qu'à Indianapolis, c'était à Miami. Oh ouais? Je sais que leur premier Super Bowl gagné, il est comme genre en 1972. En 70, il était encore à Miami, mais là, il avait perdu cette fois-là. Fait que, tu sais, c'est des petites statistiques de même qui sont toujours le fun à savoir. OK. Donc, peut-être un troisième championnat pour les Colts, ça serait le fun pour Manning. Moi, j'y souhaite. Puis peut-être pour Giguère aussi, j'y souhaite qu'ils soient en uniforme. Ouais, ben là, c'est le trip d'RDS là, présentement. Là, ce qui arrive, là, c'est qu'être un Québécois francophone. Ben, tu sais, on a eu Tom Nugent à un moment donné, mais. On a eu aussi JP Dash. JP Dash aussi, oui, avec les Seahawks. Donc, tu sais, ça leur donne de la nouvelle plus facilement. Tu sais, ils ont moins besoin de la créer. T'sais. Là, tu sais, ils envoient David Arsenault, puis il va être comme le seul au podium de Samuel Giguère, genre, pour la journée des médias. Qui veut parler, ça? Ben, il n'y aura pas de podium. De toute façon, Samuel Giguère, là, il va le rencontrer dans un restaurant, là, ou quelque chose comme ça, là. Chez Applebee's. Applebee's. Donc, ta prédiction, tu m'as dit combien, les codes, par? 29-24. Ouais. Vous autres, Pierre-Luc, t'as-tu une prédiction, toi, là-dessus? Colts, toi t'es moins fan de foot un peu, t'sais? Mais on va y aller pour la famille, les Colts. Ouais. Seb? Les Colts, parce qu'ils ont déjà vécu le Super plus Bowl. Plus d'expérience. L'expérience, Peyton Manning, d'après moi, est supérieur. Okay. Là, j'ai oublié de le présenter, mais on a aussi Marc-André Charron qui est dans le studio. Bonjour. Marc-André qui travaille aussi avec Sébastien. Il est un étudiant en récréologie. Récréologie, donc un alcoolique. Mais... À temps partiel seulement. Donc, toi, t'as-tu une prédiction? Comment tu vois ça? Prédiction, parce que mon collègue, lui, a dit les Colts, moi, j'ai pas le choix d'être le petit mouton noir de la famille. Oh. Je vais y aller avec les Saints. Les Saints, toi. Surtout parce que j'avais dit que les Vikings gagneraient la semaine passée. Fait que là, j'avais fait l'affiche en constat. Ouais, je sais, tu me l'as montré. Après avoir vu le flop total de son guest, je me suis dit que j'allais voter pour l'équipe adverse. Ben, tu fais bien, ça. Hey, c'est pas comme si ça avait pas été serré comme partie, hein? En plus, là, on s'entend. Là, JP, tu vas être d'accord avec moi. Là, y a-tu temps qu'ils changent les prolongations dans la NFL, tu penses? Ouais, ben peut-être plus comme un système universitaire. Ben ouais. Que oui, tu peux marquer des points, mais l'autre équipe, faut qu'il, dans le fond. Chacun sa chance, là. Chacun sa chance, c'est ça. Puis, pour ceux qui ont écouté le match l'an passé, je sais que les Saints ont beaucoup bénéficié des revirements des Vikings. Ouais. Je pense pas que les Colts échappent autant le ballon qu'Adrian Peterson. Là. Ou que. Tu sais, Favre quoi? Deux interceptions dans cette partie-là? C'est deux interceptions, mais en fin de match, puis profond dans leur territoire. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Manning est tellement un carrière méthodique et. Tellement intelligent comme carrière, Manning. Je pense pas justement sa lecture de jeu va faire qu'il. Sa lecture de jeu va faire qu'il va probablement donner une meilleure performance que Brett Favre. Exactement. Puis je pense que c'est pour la première fois un Super Bowl en. Quand même, tu sais, à toutes les années, il y a tout le temps une équipe que j'aime pas voir gagner. Mais là, les deux, ça me dérange pas. Moi, je me fous. C'est ça que je trouve le fun. Les Saints, j'aimerais ça quand même les voir gagner. Ils le méritent. Moi, je m'en. Mais là, c'est personnel, mais je m'en fous des deux équipes. Genre, c'est pas. J'ai les Colts first. Oh, mais toi, t'es un fan des Patriots. Ouais. Regarde. C'est correct, je te donne ça. Donc, on reçoit les boys du Centre Alphonse Desjardins parce qu'il y a une soirée au lounge du Centre Alphonse Desjardins en tant que tel pour le gros événement, le Big Night. Yes. Parlez-moi un petit peu de ça, boys. Mais dans le fond, c'est nul autre que le Super Bowl qui va avoir lieu dimanche prochain. En fait, ce que nous on fait nous autres, c'est qu'il va y avoir un programme double. D'abord, ça commence à 3h avec le match canadien contre les Bruins. Ooh, puis par la suite, il va y avoir naturellement le show du Super Bowl. Tout ça, on a pris soin de d'habiller tout le show complet. Fait qu'on va avoir une amalgame d'animation qui vient autour de ça, notamment avec les filles, les petites popounes de Coors Light qui vont être sur place, qui vont nous offrir de la bonne petite bière. On va avoir aussi la DJ Kat Hardy qui va être avec nous autres. Oh, DJ Kat! DJ Kat, la même qui... Pierre-Luc et les DJ. C'est la même qui dit ça. Pierre-Luc qui s'excite, les gars, DJ Kat! Et puis, fait que bref, tout ça pour en venir au sérieux, les gars, c'est ça, ça va au sérieux, au sérieux, t'as pas écouté notre émission souvent pour dire en venir au sérieux, là. Pouce, mes pouces égales, là. Dans la même lignée, dis-je. c'est ça, dans le fond, ça va être une belle soirée. Puis ce qui est intéressant du lounge, c'est que c'est assez intime. C'est une ambiance qui est pas comme dans les restaurants. T'sais, on accueille environ 90 à 100 personnes. C'est très petit puis très confortable aussi. Les gens vont pouvoir écouter les matchs sur des gros divans confortables, sur des grands écrans plasma. Comme dans un salon, mais avec une belle grosse gang chaleureuse qui va être avec nous autres. OK. Puis les billets pour ça? Les billets sont en vente au centre sportif Alphonse Desjardins, au pavillon tennis à la réception. Sinon, ils peuvent toujours venir me rencontrer. Je peux toujours leur donner les billets en conséquence. Et puis, ils sont au coût de 10 $ jusqu'au 4 février. À partir de cette date, les billets vont tomber à 15 $. Okay. Naturellement, ça comprend plein de choses que je n'ai pas encore dit. C'est sûr qu'on va avoir de la nourriture, il va y avoir de la pizza pour tout le monde qui est incluse dans le billet. Il va y avoir 2 bières gratuites aussi avec le billet. Naturellement, on est commandité par Coors Light, fait qu'on va donner de la bière en masse au courant de la soirée. Il va y avoir des gros prix aussi à gagner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros méga divan cuir Coors Light avec le gros pouf en forme du Super Bowl. Qu'on va faire tirer aussi. Il va y avoir des chandails promo, des ballons de football naturellement. Fait que de quoi vraiment pour avoir une belle soirée. Puis là, tu fais un cadeau aux amateurs ce matin? Ouais, ce matin, je suis arrivé en studio puis on voulait donner aussi deux paires de billets, une paire de billets dans le fond pour nos deux personne qui nous écoute, la sœur de Pierre-Luc probablement et quelqu'un d'autre. Oh, j'aime pas ça. Alors, fait que c'est ça, on va vous laisser sentir les mains, les boys. C'est bon, écoutez, on va faire tirer ça. Ce premier qui m'écrit, ouais. Live en commercial, inconduitedeparty.com. JP, une question. Je veux battre ma sœur. Je veux hey, je veux qu'il y ait une question de JP, une question pour l'auditeur gagnant. J'étais pas ignorant. Le numéro 19 des Colts de Baltimore. Des Colts de Baltimore? Ouais. De Colts de Indianapolis? Qu'est-ce que Baltimore? Ils sont plus là depuis 93. C'est pas grave. Ça, c'est le plus grand corps de tous les temps de la Ligue. OK, toi, tu y vas. Ah non, vas-y. De quoi de plus récent, okay, là? Okay, De quoi qui est trouvable sur Internet? Le nom du stade où ça va être joué. C'est bon, c'est parce bon. Parce qu'il change à tous les années. Là, j'aime ça. C'est le stade olympique à Montréal, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Donc, la première personne qui nous écrit au live à commercialinconduitedeparty.com et qui nous dit dans quel stade va être disputé le Super Bowl remportera cette géniale paire de billets pour cette soirée qui s'annonce tripante, comme tu dis, une ambiance un peu plus familiale, un petit peu un gros party de famille, mais pas chez nous. Je vais demander à votre chum Wikipédia. Là, ouais, c'est pas compliqué en plus, voyons. Mais, on y va les boys, on parle de nourriture, c'est pas grand temps d'émission pour être franc. J'ai dit à tous les gars, vous allez me donner une recette... quoi manger, OK? C'est bien beau les ailes de poulet, c'est bien beau commander de la pizza, là, mais ceux qui se font ça chez eux, là, qu'est-ce qu'on peut manger qui va être différent, qui va être super bon? Pierre-Luc, vas-y donc. Ah, c'est moi qui commence. Ah ouais, je te lance ça. T'es-tu prête? T'es pas prête, là? Ouais, ben on va essayer d'être original. On va y aller avec un repas un petit peu plus tôt mexicain. Oh! Donc, j'irai avec des quesadillas de poulet. OK. C'est un bon choix. Poulet et fromage. C'est ça. On avait toutes quesadillas. Ah, mon Dieu. Hey, je suis vraiment original. Moi, y aller avec des quesadillas. Ah, comment? C'est quand on commence. J'ai meilleur que ça. J'ai meilleur. T'es meilleur? Donc, au poulet et fromage, moi, ça serait vraiment qu'est-ce que je conseillerais. OK. Ça devrait être excellent. Bonne petite entrée, ça. Ouais, bonne petite entrée. C'est bon. JP, toi, mon JP, t'es au régime, toi, hein? Fait que t'y vas pour la salade. C'est ça. Ben, la recette JP, là, c'est des petits bruschettas, j'haïs pas ça. Des petites entrées, là, salées un peu, avec ben de la boisson. Des chips, des hot dogs, là. Tu sais, écoute, là, on s'en fout, là, des calories, là. Let's go, là. Tu l'assumes, hein, au Super Bowl, les calories, c'est. Faut que le lendemain, t'aies mal au ventre. Traîne le Pepto-Bismol. Exactement. Seb. Quand même un repas très populaire au Super Bowl, c'est des purées de pommes de terre. OK. Que tu mets du fromage Monterey Jack dessus, okay. Du bacon émietté ainsi que des échalotes. Tu trempes ça dans de la crème sûre. De la crème sûre, toi. C'est excellent. Moulin. JP vient d'échapper le téléphone. Alors, JP, Marc-André, t'as-tu quoi, toi? On parle de bain, ça l'excite. Ben, moi, j'irais peut-être avec de quoi plus à l'ancienne, tu sais, qui se marie bien avec de la bière. Je pense au croque-monsieur, tu sais, c'est vraiment très simple. Tout le monde a ça, du pain à la maison avec une petite tranche single de Kraft, que tu rajoutes un petit morceau de bacon dessus, tu sais, puis ça se mange bien en gang, puis ça se partage bien. Il y en a qui mettent des tomates là-dedans, ouais. En plus. Oui, il y en a qui mettent ça, tu sais, c'est plus fancy, avec les petites tomates séchées aux fines herbes dessus, là, c'est toujours une bonne option. Non, c'est pas fou, ça. Moi, je vais, là, à matin, là, je vous lance ça, là, c'est ma recette à moi, là. Ceux qui ont été en Belgique ou dans certains restaurants, ça s'appelle des flammes, OK? Mais moi, j'ai ma propre recette que vous pouvez faire à la maison qui est plus facile. C'est comme une pizza, mais à pâte très mince, OK? Ça se mange pas dans les mains. Et compliquez-vous pas la vie à faire la pâte et tout ça, là. Pognez des tortillas, OK? Là, tu sais, le pain tortillas, là, c'est comme un plat. Pognez ça, mettez de la crème sûre. Vous pouvez mettre de la sauce tomate là-dedans. C'est vraiment, là, vous apprêtez ça comme vous voulez. Crème blanche comme ça, écris ça s'il te plaît. Il est passionné, c'est un vrai cuisinier. Claudine Desrochers vient de m'appeler en plus. Fait que, elle veut t'avoir son émission. Non, moi je vais aller à Louis. Louis là, il a l'air de sortir d'un bar, genre il est comme encore sa pilule, puis il te fait à manger là, c'est il roule. Les filles trouvent bien beau. Ouais, c'est ça. T'sais, ça va monter nos codes d'écoute. Fait que, OK, vous pognez ça, vous mettez de la sauce là-dedans, c'est comme je dis, soit tomate, vous faites ça honnêtement comme vous voulez. Il y en a qui vont mettre du poulet. Moi, j'adore avec le poulet. Il y en a qui vont mettre du jambon. Il y en a qui vont mettre des saucisses. Vous mettez ce que vous voulez là-dessus. Vous mettez du fromage, un petit peu de fromage. Mettez des oignons. Mettez des piments. Mettez tout ça. Vous mettez ça dans le four. Pas trop longtemps. Juste assez pour que la croûte se durcisse un petit peu. Vous sortez ça. C'est prêt à manger. Même à la grosseur que ça a, vous coupez ça en quatre. Ça vous fait quatre entrées. Au pire, il y a de la place dans votre four. Vous en faites. Prenez des larges. Là. Vous en avez pour tout le monde. Ou si vous prenez des petites, ben ça en fait une pour chacun, tu sais, c'est manger ça, préparer ça par contre avant le début de la game. Mais tu sais, comme je parle là, quand je parlais des faux spectateurs là, JP, tu vas être d'accord avec moi là, on a besoin des faux spectateurs, des faux fans, parce que les autres vont chercher la bière et qu'il faut en manger. C'est vrai, parce qu'ils se font un peu la game. Fait que c'est eux autres qui vont chercher la bière, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est eux autres qu'il faut dire pendant la game, hey, t'arrêtes-tu de parler, comment ta femme tu t'es, mais là quand les annonces arrivent, c'est comme il y a une annonce, il y a une annonce. Ces annonces de bol. Oh, le cheval. Oh, le cheval, il parle. Mais. Moi, j'ai des chums, honnêtement. JP, je sais que c'est pareil pour toi. J'ai des chums que. T'es-tu encore là, JP? Ouais, je suis encore là. Je sais pas, t'entends pas parler. Ça fait le téléphone, puis après ça. T'es parti me faire ta recette, là. J'essaye ça à midi. C'est long à faire, ton affaire. C'est bien trop long à faire, là. Qu'est-ce que c'est long à faire? Tu prépares l'après-midi? C'est long à faire, tu peux les légumes. Hey, tu peux te forcer, là? Je sais bien que t'es célibataire, là. Tu prendras le faux fan, puis tu feras faire ça, tu vas voir ça bien aller. Ouais, trouve-toi une petite, là. Ou un, là, ça peut être ton père, Denis. Denis va faire ça, là. Ouais, Denis pourrait faire ça. Mais non, je pense que ça va être, comme à chaque année, c'est une grosse soirée. Du plaisir, je pense, tout le monde. C'est vraiment là, on s'attend, là, les cotes d'écoute de Québec-Montréal vont être plus basses. Cette semaine, pas le choix. Là. Ben, j'espère. J'espère, parce que si ça marche pas ça, là, il y a un problème. Faudrait que Bergeron pète un autre coche solide pour que ça attire du monde. Aucun là, doute. Là, on va voir apparaître les vrais fans des Saints. Tu sais, toutes les années, c'est tout le temps du monde qui arrive. Ah, oh, ça, c'est mon équipe, là. Tu sais, les Saints, on n'avait pas entendu parler d'eux depuis 15 ans, mais. C'est leur équipe, là. C'est des connaisseurs. C'est associé à eux. Donc, on a le gagnant de notre concours. C'était vite, hein? Monsieur Maxime Lemieux-Laramé qui nous est arrivé avec le Sun Life Stadium de Miami Gardens. Maxime va pouvoir venir. Maxime, en plus, qui anime ça, tu sais. Bravo, Maxime. Il écoute la station. Pas n'importe qui. Mais en plus, un sportif, là. Max, là. Ouais, c'est des pattes. Puis le plus drôle, c'est que je l'ai écœuré hier dans l'émission du retour. Ici, je l'ai vraiment écœuré bien comme fou. Fait que on va voir ça. Donc, on va aller au calendrier. Déjà, ça tire à sa fin très rapidement. Une émission comme trop de stock, comme toutes les fois. Hein, que ça va vite. Donc, calendrier pour les Patriotes. Trois parties d'ici à notre prochaine émission, mardi prochain. Ils affrontent Concordia, c'est ce soir. Demain soir, et c'est à Montréal. Vendredi, ils affrontent Ottawa. C'est à l'Arena Colbongrain, donc c'est la revanche, on peut dire, après la défaite difficile, si on peut, contre avec 53 shots, puis tu perds. En espérant que le gardien soit pas excellent comme Adam. Ouais, Whitlock, là, tout un gardien. Et lundi prochain, très rare comme match, ils affrontent les Redmond à McGill. Ouais, lundi, je sais pas pourquoi, mais quoi que t'aurais-tu fait le match le samedi après-midi, Canadien joue. C'est vrai. Ouais. Ça va être encore une game impressionnante. C'est serré au classement. Match de 4 points. Match de 4 points, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vu qu'on les a battus une fois, on sait jamais. Ah, il est 8-2, là. La dégelée, toi. Ouais. C'était beau, ça. Au second intérieur, les hommes et les femmes sont en action. C'est dimanche. C'est à Saint-Eustache. Ils vont affronter l'UQAM, les citadins et citadines. Malheureusement, attendez-vous à deux défaites. C'est plate, mais ils sont forts, l'UQAM. Pierre-Luc, Hockey Junior. Faut quand même pas être trop pessimiste non plus. Moi, je le sais, j'ai un problème. Hockey Junior, les Cataractes qui recevront les Maniacs de Lewiston, c'est ce soir au Centre Bionès. Et les Cataractes ensuite qui sont en route vers Lewiston à leur tour. Donc, trois matchs cette semaine contre les Maniacs. En espérant que ce soit trois victoires. Et l'Éthique de Victoriaville qui reçoivent la visite des Remparts ce jeudi. Ils reçoivent ensuite les Voltigeurs de Drummondville vendredi. Un match très, très attendu entre les Voltigeurs et les Tigres. On le sait, on batteur pour le premier rang de la section centre. Et ensuite, les Voltigeurs qui reçoivent la visite du Junior de Montréal, c'est samedi. Et si vous voulez pas aller trop loin, vendredi prochain, les Dragons du Collège de la Flèche affrontent Saint-Laurent. C'est à Trois-Rivières, à 20h, c'est à l'aréna Jérôme-Côte-Noire. Donc, les Dragons qui jouent à trois arénas en même temps, c'est beau, de la stabilité, on aime ça. Puis, en plus, Côte-Noire, les chambres sont grandes comme le studio ici. Donc, c'est pas avec ça que tu fais une belle chimie d'équipe. Donc, c'est ce qui conclut les conduites de partie pour cette semaine. Bon Super Bowl, tout le monde. Profitez-en. Ouais. C'est une fois par année, c'est Noël des fans de football. On vous attend au lounge. Ouais, on vous attend au lounge du Centre Alphonse Desjardins. Pour Nicolas Cham, JP Grenier, Pierre-Luc Giroux, c'est Brou qui faisait son retour pour One Night Stand bonne ce matin. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. On se laisse en musique avec We Are Wolves, avec la chanson La Rue Oblique. www.conduitdepartie.com. Bonne semaine, tout le monde. Salut, bonne semaine.